Le Lys dans la vallée, chapitre 13. Vous avez du bonheur, me dit le duc. Dînez ici, venez avec moi ce soir au château, votre fortune est faite. Le roi vous a nommé ce matin en disant « Il est jeune, capable et fidèle ». Et le roi regrettait de ne pas savoir si vous étiez mort ou vivant, en quel lieu vous avez jeté les événements, après vous être si bien acquitté de votre mission. Le soir, j'étais maître des requêtes au Conseil d'État, et j'avais auprès du roi Louis XVIII un emploi secret d'une durée égale à celle de son règne. Place de confiance, sans faveur éclatante, mais sans chance de disgrâce, qui me mit au cœur du gouvernement et fut la source de mes prospérités. Madame de Mortsauf avait vu juste. Je lui devais donc tout, pouvoir et richesse, le bonheur et la science. Elle me guidait et m'encourageait, purifiait mon cœur et donnait à mes vouloirs cette unité sans laquelle les forces de la jeunesse se dépensent inutilement. Plus tard, j'eus un collègue. Chacun de nous fut de service pendant 6 mois. Nous pouvions nous suppléer l'un l'autre au besoin. Nous avions une chambre au château, notre voiture et de larges rétributions pour nos frais quand nous étions obligés de voyager. Singulière situation. Être les disciples secrets d'un monarque à la politique duquel ses ennemis ont rendu depuis une éclatante justice, de l'entendre jugeant tout, intérieur, extérieur, d'être sans influence patente et de se voir parfois consulté comme la forêt par Molière, de sentir les hésitations d'une vieille expérience affermie par la conscience de la jeunesse. Notre avenir était d'ailleurs fixé de manière à satisfaire l'ambition. Outre mes appointements de maître des requêtes, payés par le budget du Conseil d'État, le roi me donnait 1 000 francs par mois sur sa cassette et me remettait souvent lui-même quelques gratifications. Quoique le roi sentît qu'un jeune homme de 23 ans ne résisterait pas longtemps au travail dont il m'accablait, mon collègue, aujourd'hui pair de France, ne fut choisi que vers le mois d'août 1817. Ce choix était si difficile, nos fonctions exigeaient tant de qualités, que le roi fut longtemps à se décider. Il me fit l'honneur de me demander quel était celui des jeunes gens entre lesquels il hésitait, avec qui je m'accorderais le mieux. Parmi eux se trouvait un de mes camarades de la pension, le Pitre, et je ne l'indiquai point. Sa Majesté me demanda pourquoi. « Le roi, lui dis-je, a choisi des hommes également fidèles, mais de capacités différentes. J'ai nommé celui que je crois le plus habile, certain de toujours bien vivre avec lui. » Mon jugement coïncidait avec celui du roi, qui me sut toujours gré du sacrifice que j'avais fait. En cette occasion, il me dit « Vous serez monsieur le premier ». Il ne laissa pas ignorer cette circonstance à mon collègue qui, en retour de ce service, m'accorda son amitié. La considération que me marqua le duc de Lenoncourt donna la mesure à celle dont m'environna le monde. Ces mots, le roi prend un vif intérêt à ce jeune homme a de l'avenir, le roi le goûte, auraient tenu lieu de talent, mais ils communiqueraient au gracieux accueil dont les jeunes gens sont l'objet, ce je ne sais quoi qu'on accorde au pouvoir. Soit chez le duc de Lenoncourt, soit chez ma sœur, qui épousa vers ce temps son cousin, le marquis de Listomère, le fils de la vieille parente chez qui j'allais à l'île Saint-Louis, je fis insensiblement la connaissance des personnes les plus influentes au faubourg Saint-Germain. Henriette me mit bientôt au cœur de la société dite « Le Petit Château » par les soins de la princesse de Blamont-Chauvry, de qui elle était la petite belle-nièce. Elle lui écrivit si chaleureusement à mon sujet que la princesse m'invita sur le champ à la venir voir. Je la cultivais, je sus lui plaire, et elle devint non pas ma protectrice, mais une amie dont les sentiments eurent je ne sais quoi de maternel. La vieille princesse prit à cœur de me lier avec sa fille, Madame d'Espard, avec la duchesse de Langeais, la vicomtesse de Beauséant et la duchesse de Maufrigneuse, des femmes qui, tour à tour, tinrent le spectre de la mode et qui furent d'autant plus gracieuses pour moi que j'étais sans prétention auprès d'elles et toujours prêt à leur être agréable. Mon frère Charles, loin de me renier, s'appuya dès lors sur moi. Mais ce rapide succès lui inspira une secrète jalousie qui plus tard me causa bien des chagrins. Mon père et ma mère, surpris de cette fortune inespérée, sentirent leur vanité flattée et m'adoptèrent enfin pour leur fils. Mais comme leurs sentiments étaient en quelque sorte artificiels, pour ne pas dire joués, ce retour eut peu d'influence sur un cœur ulcéré. D'ailleurs, les affections entachées d'égoïsme excitent peu les sympathies. Le cœur abhorre les calculs et les profits de tout genre. J'écrivais fidèlement à ma chère Henriette, qui me répondait une ou deux lettres par mois. Son esprit planait ainsi sur moi, ses pensées traversaient les distances et me faisaient une atmosphère pure. Aucune femme ne pouvait me captiver. Le roi sut ma réserve. Sous ce rapport, il était de l'école de Louis XV et me nommait en riant « Mademoiselle de Vandenesse », mais la sagesse de ma conduite lui plaisait fort. J'ai la conviction que la patience dont j'avais pris l'habitude pendant mon enfance, et surtout à Clochegourde, servit beaucoup à me concilier les bonnes grâces du roi, qui fut toujours excellent pour moi. Il eut sans doute la fantaisie de lire mes lettres, car il ne fut pas longtemps la dupe de ma vie de demoiselle. Un jour, le duc était de service. J'écrivais sous la dictée du roi, qui, voyant entrer le duc de Lenoncourt, nous enveloppa d'un regard malicieux. « Eh bien, ce diable de Mortsauf veut donc toujours vivre ?» lui dit-il de sa belle voix d'argent, à laquelle il savait communiquer à volonté le mordant de l'épigramme. « Toujours !» répondit le duc. « La comtesse de Mortsauf est un ange, que je voudrais cependant bien voir ici, » reprit le roi. « Mais si je n'y puis rien, mon chancelier, » dit-il en se tournant vers moi, « sera plus heureux. Vous avez 6 mois à vous. Je me décide à vous donner pour collègue le jeune homme dont nous parlions hier. » « Amusez-vous bien, Clochegourde, monsieur Caton !» Et il se fit rouler hors du cabinet en souriant. Je volais comme une hirondelle en Touraine. Pour la première fois, j'allais me montrer à celle que j'aimais, non seulement un peu moins niais, mais encore dans l'appareil d'un jeune homme élégant dont les manières avaient été formées par les salons les plus polis, dont l'éducation avait été achevée par les femmes les plus gracieuses, qui avait enfin recueilli le prix de ses souffrances et qui avait mis en usage l'expérience du plus bel ange que le ciel ait commis à la garde d'un enfant. Vous savez comment j'étais équipée pendant les 3 mois de mon premier séjour à Frapelle. Quand je revins à Clochegourde lors de ma mission en Vendée, j'étais vêtue comme un chasseur. Je portais une veste verte à boutons blancs rougis, un pantalon à raies, des guêtres de cuir et des souliers. La marche, les halliers m'avaient si mal arrangé que le comte fut obligé de me prêter du linge. Cette fois, 2 ans de séjour à Paris, l'habitude d'être avec le roi, les façons de la fortune, ma croissance achevée, une physionomie jeune qui recevait un lustre inexplicable de la placidité d'une âme magnétiquement unie à l'âme pure qui de Clochegourde rayonnait sur moi, tout m'avait transformé. J'avais de l'assurance sans fatuité, j'avais un contentement intérieur de me trouver, malgré ma jeunesse, au sommet des affaires. J'avais la conscience d'être le soutien secret de la plus adorable femme qui fut ici-bas, son espoir inavoué. Peut-être eus-je un petit mouvement de vanité quand le fouet des postillons claqua dans la nouvelle avenue qui de la route de Chinon menait à Clochegourde, et qu'une grille que je ne connaissais pas s'ouvrit au milieu d'une enceinte circulaire récemment bâtie. Je n'avais pas écrit mon arrivée à la comtesse, voulant lui causer une surprise, et j'eus doublement tort. D'abord, elle éprouva le saisissement que donne un plaisir longtemps espéré, mais considéré comme impossible, puis elle me prouva que toutes les surprises calculées étaient de mauvais goût. Quand Henriette vit le jeune homme, là où elle n'avait jamais vu qu'un enfant, Elle abaissa son regard vers la terre par un mouvement d'une tragique lenteur. Elle se laissa prendre et baiser la main, sans témoigner ce plaisir intime dont j'étais averti par son frissonnement de sensitive. Et quand elle releva son visage pour me regarder encore, je la trouvais pâle. « Eh bien, vous n'oubliez donc pas vos vieux amis, » me dit Monsieur de Mortsauf, qui n'était ni changé ni vieilli. Les deux enfants me sautèrent au cou. J'aperçus à la porte la figure grave de l'abbé de Dominis, précepteur de Jacques. « Oui, » dis-je au comte, « j'aurai désormais par an 6 mois de liberté qui vous appartiendront toujours. Eh bien, qu'avez-vous ? » dis-je à la comtesse en lui passant mon bras pour lui envelopper la taille et la soutenir en présence de tous les siens. « Oh, laissez-moi !» me dit-elle en bondissant. « Ce n'est rien !» Je lus dans son âme et répondis à sa pensée secrète en lui disant « Ne reconnaissez-vous donc plus votre fidèle esclave ?» Elle prit mon bras, quitta le comte, ses enfants, l'abbé, les gens accourus et me mena loin de tous, en tournant le boulingrin, mais en restant sous leurs yeux. Puis quand elle jugea que sa voix ne serait point entendue, « Félix, mon ami, » dit-elle, « pardonnez la peur à qui n'a qu'un fil pour se diriger dans un labyrinthe souterrain et qui tremble de le voir se briser. Répétez-moi que je suis plus que jamais Henriette pour vous, que vous ne m'abandonnerez point, que rien ne prévaudra contre moi, que vous serez toujours un ami dévoué. » J'ai vu tout à coup tant l'avenir, et vous n'y étiez pas, comme toujours, la face brillante et les yeux sur moi. Vous me tourniez le dos. Henriette, idole dont le culte l'emporte sur celui de Dieu, Lys, fleur de ma vie, comment ne savez-vous donc plus, vous qui êtes ma conscience, que je me suis si bien incarnée à votre cœur, que mon âme est ici quand ma personne est à Paris? Faut-il donc vous dire que je suis venue en 17 heures, que chaque tour de roue emportait un monde de pensées et de désirs qui a éclaté comme une tempête aussitôt que je vous ai vue? Dites, dites, je suis sûre de moi, je puis vous entendre sans crime. Dieu ne veut pas que je meure. Il vous envoie à moi, comme il dispense son souffle à ses créations, comme il épand la pluie des nuées sur une terre aride. Dites, dites, m'aimez-vous saintement? Saintement. À jamais? À jamais. Comme une Vierge Marie qui doit rester dans ses voiles et sous la couronne blanche? Comme une Vierge Marie visible. Comme une sœur? Comme une sœur trop aimée. Comme une mère? Comme une mère secrètement désirée. Chevaleresquement, sans espoir? Chevaleresquement, mais avec espoir. Enfin, comme si vous n'aviez encore que 20 ans et que vous portiez votre petit méchant habit bleu du bal. Oh, mieux, je vous aime ainsi, et je vous aime encore comme... Elle me regarda dans une vive appréhension, comme vous aimait votre tante. Je suis heureuse, vous avez dissipé mes terreurs, dit-elle en revenant vers la famille étonnée de notre conférence secrète. Mais soyez bien enfant ici, car vous êtes encore un enfant. Si votre politique est d'être un homme avec le roi, sachez, monsieur, qu'ici la vôtre est de rester enfant. Enfant, vous serez aimé. Je résisterai toujours à la force de l'homme. Mais que refuserai-je à l'enfant? Rien. Il ne peut rien vouloir que je ne puisse accorder. « Les secrets sont dits, » fit-elle en regardant le comte d'un air malicieux où reparaissait la jeune fille et son caractère primitif. « Je vous laisse, je vais m'habiller. » Jamais depuis 3 ans, je n'avais entendu sa voix si pleinement heureuse. Pour la première fois, je connus ces jolis cris d'hirondelle, ces notes enfantines dont je vous ai parlé. J'apportai un équipage de chasse à Jacques, à Madeleine une boîte à ouvrage dont sa mère se servit toujours. Enfin, je réparai la mesquinerie à laquelle m'avait condamné jadis la parcimonie de ma mère. La joie que témoignaient les deux enfants, enchantés de se montrer l'un à l'autre leurs cadeaux, parut importuner le comte, toujours chagrin quand on ne s'occupait pas de lui. Je fis un signe d'intelligence à Madeleine et je suivis le comte qui voulait causer de lui-même avec moi. Il m'emmena vers la terrasse, mais nous nous arrêtâmes sur le perron à chaque fait grave dont il m'entretenait. « Mon pauvre Félix, me dit-il, vous les voyez tous heureux et bien portants. Moi, je fais ombre au tableau. J'ai pris leurs mots et je bénis Dieu de me les avoir donnés. Autrefois, j'ignorais ce que j'avais, mais aujourd'hui, je le sais. J'ai le pylore attaqué. Je ne digère plus rien. » Par quel hasard êtes-vous devenu savant comme un professeur de l'école de médecine ? Lui dis-je en souriant. Votre médecin est-il assez indiscret pour vous dire ainsi ? Dieu me préserve de consulter les médecins ! S'écria-t-il en manifestant la répulsion que la plupart des malades imaginaires éprouvent pour la médecine. Je subis alors une conversation folle, pendant laquelle il me fit les plus ridicules confidences, se plaignant de sa femme, de ses gens, de ses enfants et de la vie, en prenant un plaisir évident à répéter ses dires de tous les jours à un ami qui, ne les connaissant pas, pouvait s'en étonner et que la politesse obligeait à l'écouter avec intérêt. Il dut être content de moi car je lui prêtais une profonde attention en essayant de pénétrer ce caractère inconcevable et de deviner les nouveaux tourments qu'il infligeait à sa femme et qu'elle me taisait. Henriette mit fin à ce monologue en apparaissant sur le perron. Le comte l'aperçut, hocha la tête et me dit « Ah, vous m'écoutez, vous, Félix, mais ici, personne ne me plaint. » Il s'en alla comme s'il eut la conscience du trouble qu'il aurait porté dans mon entretien avec Henriette ou que par une attention chevaleresque pour elle, il eût su qu'il lui faisait plaisir en nous laissant seuls. Son caractère offrait des désinences vraiment inexplicables, car il était jaloux comme le sont tous les gens faibles, mais aussi sa confiance dans la sainteté de sa femme était sans bornes. Peut-être même les souffrances de son amour-propre blessées par la supériorité de cette haute vertu engendraient-elles son opposition constante aux volontés de la comtesse, qu'il bravait comme les enfants bravent leur maître ou leur mère. Jacques prenait sa leçon, Madeleine faisait sa toilette. Pendant une heure environ, je pus donc me promener seule avec la comtesse sur la terrasse. « Eh bien, cher ange, lui dis-je, la chaîne s'est alourdie, les sables se sont enflammés, les épines se multiplient. « Taisez-vous, me dit-elle, en devinant les pensées que m'avait suggérées ma conversation avec le comte. Vous êtes ici. Tout est oublié. Je ne souffre point. Je n'ai pas souffert. » Elle fit quelques pas légers, comme pour aérer sa blanche toilette, pour livrer aux zéphyrs ses ruches de tulle neigeuse, ses manches flottantes, ses rubans frais, sa pèlerine et les boucles fluides de sa coiffure à la Sévignée, et je la vis pour la première fois, jeune fille, gaie de sa gaieté naturelle, prête à jouer comme un enfant. Je connus alors et les larmes de bonheur et la joie que l'homme éprouve à donner le plaisir. Belle fleur humaine, que caresse ma pensée et que baise mon âme, ô mon lys, lui dis-je, toujours intact et droit sur sa tige, toujours blanc, fier, parfumé, solitaire. Assez, monsieur, dit-elle en souriant. Parlez-moi de vous, racontez-moi bien tout. Nous eûmes alors, sous cette mobile voûte de feuillage frémissant, une longue conversation pleine de parenthèses interminables, prises, quittées et reprises, où je la mis au fait de ma vie, de mes occupations. Je lui décrivis mon appartement à Paris, car elle voulut tout savoir. Et bonheur alors inapprécié, je n'avais rien à lui cacher. En connaissant ainsi mon âme et tous les détails de cette existence remplie par d'écrasants travaux, en apprenant l'étendue de ses fonctions, où sans une probité sévère, on pouvait si facilement tromper, s'enrichir, mais que j'exerçais avec tant de rigueur que le roi, lui dis-je, m'appelait Mademoiselle de Vandenesse, elle saisit ma main et la baisa en y laissant tomber une larme de joie. Cette subite transposition de rôle, cet éloge si magnifique, cette pensée si rapidement exprimée, mais plus rapidement comprise. Voici le maître que j'aurais voulu, voilà mon rêve. Tout ce qu'il y avait d'aveu dans cette action, où l'abaissement était de la grandeur, où l'amour se trahissait dans une région interdite au sens, cet orage de choses célestes me tomba sur le cœur et m'écrasa. Je me sentis petit, j'aurais voulu mourir à ses pieds. Oh, dis-je, vous nous surpasserez toujours en tout. Comment pouvez-vous douter de moi? Car on en a douté tout à l'heure, Henriette. Non, pour le présent, reprit-elle en me regardant avec une douceur ineffable qui, pour moi seulement, voilait la lumière de ses yeux. Mais en vous voyant si beau, je me suis dit, nos projets sur Madeleine seront dérangés par quelque femme qui devinera les trésors cachés dans votre cœur, qui vous adorera, qui nous volera notre Félix et brisera tout ici. Toujours Madeleine, dis-je en m'exprimant avec surprise, dont elle ne s'affligea qu'à demi. Est-ce donc à Madeleine que je suis fidèle? Nous tombâmes dans un silence que Monsieur de Mortsauf vint malencontreusement interrompre. Je dus, le cœur plein, soutenir une conversation hérissée de difficultés, où mes sincères réponses sur la politique, alors suivies par le roi, heurtèrent les idées du comte qui me força d'expliquer les intentions de Sa Majesté. Malgré mes interrogations sur ses chevaux, sur la situation de ses affaires agricoles, s'il était content de ses 5 fermes, s'il couperait les arbres d'une vieille avenue. Il en revenait toujours à la politique avec une taquinerie de vieille fille et une persistance d'enfant, car ces sortes d'esprits se heurtent volontiers aux endroits où brille la lumière. Ils y retournent toujours en bourdonnant sans rien pénétrer et fatiguent l'âme comme les grosses mouches fatiguent l'oreille en fredonnant le long des vitres. Henriette se taisait. Pour éteindre cette conversation que la chaleur du jeune âge pouvait enflammer, je répondis par des monosyllables approbatifs, en évitant ainsi d'inutiles discussions. Mais M. de Mortsauf avait beaucoup trop d'esprit pour ne pas sentir tout ce que ma politesse avait d'injurieux. Au moment où, fâché d'avoir toujours raison, il se cabra, ses sourcils et les rides de son front jouèrent, ses yeux jaunes éclatèrent, son nez ensanglanté se colora davantage, comme le jour où, pour la première fois, je fus témoin d'un de ses accès de démence. Henriette me jeta des regards suppliants, en me faisant comprendre qu'elle ne pouvait déployer en ma faveur l'autorité dont elle usait pour justifier ou pour défendre ses enfants. Je répondis alors au comte en le prenant au sérieux et maniant avec une excessive adresse son esprit ombrageux. Pauvre cher, disait-elle en murmurant plusieurs fois ces deux mots qui arrivaient à mon oreille comme une brise. Puis quand elle crut pouvoir intervenir avec succès, elle nous dit en s'arrêtant « Savez-vous, messieurs, que vous êtes parfaitement ennuyeux ?» Ramené par cette interrogation à la chevaleresque obéissance due aux femmes, le comte cessa de parler politique. Nous l'ennuyâmes à notre tour, en disant des riens, et il nous laissa libre de nous promener, en prétendant que la tête lui tournait, à parcourir ainsi continuellement le même espace. Mes tristes conjectures étaient vraies. Les doux paysages, la tiède atmosphère, le beau ciel, l'enivrante poésie de cette vallée, qui, pendant 15 ans, avait calmé les lancinantes fantaisies de ce malade, étaient impuissants aujourd'hui. À l'époque de la vie où chez les autres hommes les aspérités se fondent et les angles s'émoussent, le caractère du vieux gentilhomme était encore devenu plus agressif que par le passé. Depuis quelques mois, il contredisait pour contredire, sans raison, sans justifier ses opinions. Il demandait le pourquoi de toute chose, s'inquiétait d'un retard ou d'une commission, se mêlait à tout propos des affaires intérieures, et se faisait rendre compte des moindres minuties du ménage de manière à fatiguer sa femme ou ses gens en ne leur laissant point leur libre arbitre. Jadis, il ne s'irritait jamais sans quelques motifs spécieux. Maintenant, son irritation était constante. Peut-être les soins de sa fortune, les spéculations de l'agriculture, une vie de mouvement, avaient-ils jusqu'alors détourné son humeur atrabilaire, en donnant une pâture à ses inquiétudes, en employant l'activité de son esprit. Et peut-être aujourd'hui le manque d'occupation mettait-il sa maladie aux prises avec elle-même. Ne s'exerçant plus au dehors, elle se produisait par des idées fixes. Le moi moral s'était emparé du moi physique. Il était devenu son propre médecin. Il compulsait des livres de médecine, croyait avoir les maladies dont il lisait les descriptions et prenait alors pour sa santé des précautions inouïes, variables, impossibles à prévoir, partant impossibles à contenter. Tantôt, il ne voulait pas de bruit, et quand la comtesse établissait autour de lui un silence absolu, tout à coup, il se plaignait d'être comme dans une tombe. Il disait qu'il y avait un milieu entre ne pas faire du bruit et le néant de la trappe. Tantôt, il affectait une parfaite indifférence des choses terrestres, la maison entière respirait. Ses enfants jouaient, les travaux ménagers s'accomplissaient sans aucune critique. Soudain, au milieu du bruit, il s'écriait lamentablement « On veut me tuer !»« Ma chère, s'il s'agissait de vos enfants, vous sauriez bien deviner ce qui les gêne » disait-il à sa femme en aggravant l'injustice de ses paroles par le ton aigre et froid dont il les accompagnait. Il se vêtait, il se dévêtait à tout moment, en étudiant les plus légères variations de l'atmosphère, et ne faisait rien sans consulter le baromètre. Malgré les maternelles attentions de sa femme, il ne trouvait aucune nourriture à son goût, car il prétendait avoir un estomac délabré dont les douloureuses digestions lui causaient des insomnies continuelles. Et néanmoins, il mangeait, buvait, digérait, dormait, avec une perfection que le plus savant médecin aurait admiré. Ses volontés changeantes lassaient les gens de sa maison, qui, routiniers comme le sont tous les domestiques, étaient incapables de se conformer aux exigences de systèmes incessamment contraires. Le comte ordonnait-il de tenir les fenêtres ouvertes sous prétexte que le grand air était désormais nécessaire à sa santé? Quelques jours après, le grand air, ou trop humide ou trop chaud, devenait intolérable. Il grondait alors, il entamait une querelle, et pour avoir raison, il niait souvent sa consigne antérieure. Ce défaut de mémoire, ou cette mauvaise foi, lui donnait gain de cause dans toutes les discussions où sa femme essayait de l'opposer à lui-même. L'habitation de Clochegourde était devenue si insupportable que l'abbé de Dominis, homme profondément instruit, avait pris le parti de chercher la résolution de quelques problèmes et se retranchait dans une distraction affectée. La comtesse n'espérait plus, comme par le passé, pouvoir enfermer dans le cercle de la famille les accès de ses folles colères. Déjà, les gens de la maison avaient été témoins de scènes où l'exaspération sans motif de ce vieillard prématuré passa les bornes. Ils étaient si dévoués à la comtesse qu'ils n'en transpiraient rien au dehors, mais elle redoutait chaque jour un éclat public de ce délire que le respect humain ne contenait plus. J'appris plus tard d'affreux détails sur la conduite du comte envers sa femme. Au lieu de la consoler, il l'accablait de sinistres prédictions et la rendait responsable des malheurs à venir, parce qu'elle refusait les médications insensées auxquelles il voulait soumettre ses enfants. La comtesse se promenait-elle avec Jacques et Madeleine, le comte lui prédisait un orage, malgré la pureté du ciel. Si par hasard l'événement justifiait son pronostic, la satisfaction de son amour-propre le rendait insensible au mal de ses enfants. L'un d'eux était-il indisposé? Le comte employait tout son esprit à rechercher la cause de cette souffrance dans le système de soins adopté par sa femme et qu'il épiloguait dans les plus minces détails en concluant toujours par ces mots assassins. Si vos enfants retombent malades, vous l'aurez bien voulu. » Il agissait ainsi dans les moindres détails de l'administration domestique, où il ne voyait jamais que le pire côté des choses, se faisant à tout propos l'avocat du diable, suivant une expression de son vieux cocher. La comtesse avait indiqué pour Jacques et Madeleine des heures de repas différentes des siennes et les avait ainsi soustraits à la terrible action de la maladie du comte en attirant sur elle tous les orages. Madeleine et Jacques voyaient rarement leur père. Par une de ces hallucinations particulières aux égoïstes, le comte n'avait pas la plus légère conscience du mal dont il était l'auteur. Dans la conversation confidentielle que nous avions eue, il s'était surtout plaint d'être trop bon pour tous les siens. Il maniait donc le fléau, abattait, brisait tout autour de lui comme eût fait un singe. Puis après avoir blessé sa victime, il niait l'avoir touché. Je compris alors d'où provenaient les lignes comme marquées avec le fil d'un rasoir sur le front de la comtesse et que j'avais aperçues en la revoyant. Il est chez des âmes nobles une pudeur qui les empêche d'exprimer leurs souffrances. Elles en dérobent orgueilleusement l'étendue à ceux qu'elles aiment par un sentiment de charité voluptueuse. Aussi, malgré mes instances, n'arrachais-je pas tout d'un coup cette confidence à Henriette. Elle craignait de me chagriner. Elle me faisait des aveux interrompus par de subites rougeurs. Mais j'eus bientôt deviné l'aggravation que le désœuvrement du comte avait apportée dans les peines domestiques de Clochegourde. « Henriette, lui dis-je quelques jours après, en lui prouvant que j'avais mesuré la profondeur de ses nouvelles misères, n'avez-vous pas eu tort de si bien arranger votre terre que le comte n'y trouve plus à s'occuper ?»« Cher, me dit-elle en souriant, ma situation est assez critique pour mériter toute mon attention. Croyez que j'en ai bien étudié les ressources et toutes sont épuisées. En effet, les tracasseries ont toujours été grandissantes. Comme Monsieur de Morsouf et moi, nous sommes toujours en présence, je ne puis les affaiblir en les divisant sur plusieurs points. Tout serait également douloureux pour moi. J'ai songé à distraire Monsieur de Morsouf en lui conseillant d'établir une magnanerie à Clochegourde, où il existe déjà quelques mûriers, vestiges de l'ancienne industrie de la Touraine. Mais j'ai reconnu qu'il serait tout aussi despote au logis et que j'aurais de plus les 1000 ennuis de cette entreprise. « Apprenez, monsieur l'observateur, me dit-elle, que dans le jeune âge, les mauvaises qualités de l'homme sont contenues par le monde, arrêtées dans leur essor, par le jeu des passions, gênées par le respect humain. Plus tard, dans la solitude, chez un homme âgé, les petits défauts se montrent d'autant plus terribles qu'ils ont été longtemps comprimés. Les faiblesses humaines sont essentiellement lâches. Elles ne comportent ni paix ni trêve. Ce que vous leur avez accordé hier, elles l'exigent aujourd'hui, demain et toujours. Elles s'établissent dans les concessions et les étendent. La puissance est clémente, elle se rend à l'évidence, elle est juste et paisible, tandis que les passions engendrées par la faiblesse sont impitoyables. Elles sont heureuses quand elles peuvent agir à la manière des enfants qui préfèrent les fruits volés en secret à ceux qu'ils peuvent manger à table. Ainsi, Monsieur de Morsouf éprouve une joie véritable à me surprendre. Et lui qui ne tromperait personne me trompe avec délices, pourvu que la ruse reste dans le fort intérieur. »